Hey la famille, bienvenue au cœur du fils volume 1, sortie officielle, lundi 16 novembre 2009. Ouais gros, bienvenue au cœur du fils volume 1. Emblématique, record, et n'a deux estimes. Un début sans la fin. Oh oh, bienvenue au cœur du risque. Qui t'a dit qu'on allait n'aller m'arrêter? Ça pèse 200 à 1 million d'euros. Emblématique, record, un début sans la fin. Oh oh, bienvenue au cœur du risque. Qui t'a dit qu'on allait n'aller m'arrêter? Ça pèse 200 à 1 million d'euros. Emblématique, record, un début sans la fin. Imposement ce que tu sens une sommation. C'est pas un son de biche de polo. J'ai la rime à temps, craquer les os. Emblématique, record, te sert. Toujours t'auras pas ta sauce. Bienvenue au cœur du risque où les rageurs sont acceptés. Ça va perdre de contrat. Les estis croient la folie. Le nom de Z, tu le connais, frère. Tu sais que c'est NAST. Le rappeur du 2-8 qui dans le rap s'est investi à 100%. Qu'a du sucre sur mon dos, chiffre sorti, je suis trato. Pas 40%. Pas la bourrade de popularité. Je deviens ce joueur quand t'as MC. Tente de m'arrêter. Je suis pas acquitté de jouer les rappeurs. Je le serai quand j'aurai cette villa au bord de l'équateur. Au cœur du risque, on y vit tous les jours. Ma carrière dort la nuit pour s'exprimer le jour. En milieu de tous ces vautours, c'est moi soin d'elle. Je garde la crédibilité. Ce qu'on aime chez moi, c'est mon habilité dans ce putain de rap français. Oh oh, bienvenue au cœur du risque. Qui t'a dit qu'on allait n'aller m'arrêter? Ça pèse 200 à 1 million d'euros. Emblématique, record, un début sans la fin. Oh oh, bienvenue au cœur du risque. Qui t'a dit qu'on allait n'aller m'arrêter? Ça pèse 200 à 1 million d'euros. Emblématique, record, un début sans la fin. Je suis un best-seller, la chronique entre Malcolm et Martin Luther King. Je m'en fous de la première place, j'ai pas dit que je voulais être king. Je reste moi-même au naturel, vrai à l'authenticité. Pas comme ce président, seul rêve nous carcériser. Mais t'es malade ou quoi? T'as des envies, je blanchis, mais ma couleur restera toujours le métissé. J'en suis fier, jamais je le renierai. Je représente mes négros pas tous ces rebeux qui veulent se trôner de l'Elysée. Fous-toi, foudroi, ta vie bascule à la peau in the wood. On s'en fout des star people, je reste pas à Hollywood. T'es dans le cœur des hommes qui ne font pas de sentiments. Assure-toi bien que tu mourras pas sans un châtiment. Ayant la vie t'apprends à briser les vicieux qui crisent. Et que ta côte augmente au-dessus du seuil qu'ils avaient visé. J'ai pas de visa pour l'argumentation crue que je crache. Mais je peux me rassurer, cacher, reconnaître les lâches. Oh oh, bienvenue au cœur du risque. Qui t'a dit qu'on allait n'aller m'arrêter? Ça pèse 200 à 1 million d'euros. Emblématique, record, un début sans la fin. Oh oh, bienvenue au cœur du risque. Qui t'a dit qu'on allait n'aller m'arrêter? Ça pèse 200 à 1 million d'euros. Emblématique, record, un début sans la fin. Je veux un titre pour les nymphomanes. La star a du talent à chier. Refermez la lunette avant que ça pète. Tu le best de l'écriture, le best of the best. Tu rap, tu pris dans les déserts de ces losers qui crachent. J'suis désolé si je vous ai mis à l'ombre. J'ai trop de talent, mais vous allez bronzer. Emblématique, c'est 100 degrés à l'ombre. L'MC tombe. Sous ma canicule de bombe, j'ai le flow. Ils ont vu, j'te mis la juste sans salle ton bombe. J'frappe comme un bulldozer dans une tour. J'prends de la vitesse sans voir les vies dans le contour. Bien déguisé, la rime est tranchante. C'est de 8 blocs à la mesure de l'assaut. Rap de trépide, impossible de pécho. L'assaut entend l'alerte bondir. Dans nos vies, la délinquance cessera jamais de grandir. J'arrête pas le rap car j'ai l'envie de vous dire. T'as de cela et puis c'est plus. Tu comprendras la traduction que la vie est une pute à soif et de monnaie. Oh oh, bienvenue au cœur du risque. Qui t'a dit qu'on allait n'aller m'arrêter? Ça pèse 200 à 1 million d'euros. Emblématique, record, un début sans la fin. Oh oh, bienvenue au cœur du risque. Qui t'a dit qu'on allait n'aller m'arrêter? Ça pèse 200 à 1 million d'euros. Emblématique, record, un début sans la fin. Allô gros. Ouais, bien quoi. Là, je suis en studio là. Ouais. T'inquiète, il arrive, c'est le 16 novembre. Sûr, il sort. T'inquiète, sûr. Vas-y, on se capte à l'heure, gros. Vas-y, pas de soucis.